Le matin, j'ai super faim. Alors je trace à acheter du pain. Je vais à Sarfour. Mais c'est fermé. Alors je bouge à Intermarché. Sur le chemin, je croise ta mère. Il y a Cassia chez Leclerc. Elle revenait de la foire foule. Il y avait des prix super disfoot. Là elle me dit Gâche en prion. Il y a des promos sur le jambon. Les grandes surfaces, c'est dégueulasse. Là que j'ai de la chiasse sur les godasses. J'achète, j'habite, chie, partout c'est gratuit. J'achète, j'habite, chie, partout c'est gratuit. En revenant de chez Auchan, en vélo ce serait moins fatigant. Chez Interpol, à des cafions, ou sport de bite, une bonne question. J'en veux un bien, avec une selle, aussi rapide qu'une hirondelle. Et des pédales à réaction, aux vieux pompeurs, ils sont très cons. J'pourrais choper chez Jean-Michel, ces petites pétasses, elles vont prendre cher. Dans les cabines, de qui habite, j'leur mettrai mon gros burger bean. J'achète, j'habite, chie, partout c'est gratuit. J'achète, j'habite, chie, partout c'est gratuit. Faut plein de pépettes. Va donc aux galeries la quéquette. En face des nouvelles gâteries, la Samarichienne les envie. Si t'es fainéant, t'as les trois sus. La reloute c'est comme aux puces. Y'a un peu de tout et des dessus. Où sont les poils, ça nous rend fous. Chez Nikia, ça arrive pas. Ils sont malins, c'est sûr. Te la mettra aussi profond qu'un suédois. Ah, donc j'ai pu, il y a des promos, le juste prix pour le polo. J'habite au loge, y a des sapins, au truc unique jusqu'à demain. Universal qui nous produit. D'ailleurs y'a que eux qui produisent. On leur met le doigt Merlin. Et dans le cul un gros sapin. Sur écouter cette chanson, à chez Dirty ou Connexion. En face il y a un lac d'Alain. Tu peux le brûler, ça fera pas de mal. J'achète, Chie, partout c'est gratuit.